paix, voici Lisette. Voyons ce qu'elle nous veut. Monsieur, vous m'avez dit tantôt que vous m'abandonniez Dorante, que vous livriez sa tête à ma discrétion. Je vous ai pris au mot. J'ai travaillé comme pour moi. Et vous verrez de l'ouvrage bien fait, allez. C'est une tête bien conditionnée. Que voulez-vous que j'en fasse à présent? Madame, me le cède-t-elle? Ma fille, encore une fois, n'y prétendez-vous rien? Non, je te le donne, Lisette. Oh. Je te remets tous mes droits. Et pour dire comme toi, je ne prendrai jamais de part à un cœur que je n'aurais pas conditionné moi-même. Quoi? Vous voulez bien que je l'épouse? Monsieur le veut bien aussi? Mais oui, qu'il s'accommode. Pourquoi t'aime-t-il? J'y consens aussi, moi. Oh, moi aussi. Et je vous en remercie tous. Mais attends. J'y mets pourtant une petite restriction. C'est qu'il faudrait, pour nous disculper de ce qui arrivera, que tu lui dises un peu qui tu es. Mais si je lui dis un peu, il le saura tout à fait. Eh bien, cette tête en si bon état ne soutiendra-t-elle pas cette secousse-là? Je ne le crois pas de caractère assez farouché là-dessus. Je crois que le voici qui me cherche. Ayez donc la bonté de me laisser le champ libre. Il s'agit ici de mon chef-d'œuvre. Cela est juste, retirons-nous. De tout mon cœur. Allons.